tata na biso olikolo tika nkombo na yo ekumama okonzi bwa yo eya mokano na yo esalema wana se pe likolo ate todie na mumbazulu lika nkombo akuya zituswa kifumu kya kukiza luzolo lwa kulwa vangama vantoto bonso muzulu kondwalekwa kongeye ukuntwa disanga muzinzila za mizazo kina kondwalekwa kongeye ukuntwa disanga muzinzila za mizazo soboya tokumisa ninza byoyo aza malamu mingi mpenza asalelinga oyo elekelinga nzambo yo nzambe Luiza babosono Luiza tosalisi na nzambi yo wena wabote beni beni wangi tukulukena nzambi yo nzambi Imvungi Inke biami Kina kondwa le kwa konge ye ukuntwa disanga Uzindila za mizazo Yeresu Kina mikondwa le kwako Imvungi Yesu inke biami Nakondwa lekwa kongeye ukuntwa disanga Uzindila za mizazo Mono Tala mono Uvongi sanga mwelani Ukuntwa disanga mundila za songa Mudiatanga ye Yesu Buntu kisanga yenge Yetwa langa kukulu suku moyo anade Yore bumba melo nanga Nako zange loko teo zaliko tamu isanga Na banzela nanga nyoso Nako bange loko te Ngai Sangai na banzela na nganyoso na kubange lokote ngai kusange lokote ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu temere nada resto na minha alma e guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu nada temerei, Pai Kula, Pai Denju, Pai Mosolo, Pai Cham, Pai Tavar, Pai Roger, que Deus vos abençoe. Yadona Tuvuziana, evangelista. Prophète Dimitri Bayendissa, Pasteur Roger Diakwenda, Pasteur Amos Mbayo. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pasteur Jules Tangata, Prophète Aaron Kimbati, Pasteur Dema Aliremo, Ilunga Didi, ne vous effrayez point devant cette multitude, car ce ne sera pas vous qui combattrez, c'est moi, dit l'Éternel. ba fiti na sangani ba bo manga. Tabanguna ba cholimpo ba sambuisanga nakubange lokote nana kusange lokote koshe marchere dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne manquerai de rien, moi je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Ba fiti na sangani ba bomanga nakubange lokote ngai nakusange lokote ata banguna ba cholimpo ba sambuisanga nakubange lokote ngai nakusange lokote quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort je ne manquerai de rien ngai. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Moi je ne manquerai de rien.